quitte pour les kids et les nas, tu m'en veux. Reste de côté l'équipe splash, l'argile ange. Je presque adopté par la street life. Rap et quand je me tais, je te fais de l'effet via la rime d'avant. Viens loin, j'ai fait mes classes et mes clashs, mec. Mais touiller des tâches, briser les carrières de date, mec. Mais check pas si tu me connais plus ou plus. Toi t'achètes pas mieux que des quand je rappe, t'as le feu au cul. Freestyler de saison, Mike, solo beatbox. Tu trembles et stop ta carrière comme Michael J. Fox. Je rappe, touche le fond comme le Nautilus die. Au moins, je te fais ça carré comme un Optimus Prime. J'écris mes textes comme vos testaments. Dévolu presque, attention, tu veux test. Attends, bercé par les drums et les caisses tapantes. Les autres font par les drums et n'en baisse pas tant. Hardy, laisse le faire. Moi qui fais des hits, boy, lèche le presque. Ou fais juste des ah, ah, ah. Tout le monde fait ah, ah, ah. C'est Hardy, laisse le faire. Moi qui fais des hits, boy, lèche le presque. Ou fais juste des ah, ah, ah. Tout le monde fait ah, ah, ah. Yeah. Que de CV car j'fais plus de rap qu'autre chose. J'suis fait les mecs, fais les bacs, les MC crack quand j'pose. Plus ou moins dièse à faire le reste, attends un peu. J'suis classé dans la perfection juste avant deux. Plus de scènes de cachet car j'ai moins en moins de cash et plus en plus de malades gâchés. Plus de writing, check, respire, revenge. Plus de flow de tes comptes inspirent, on t'exécute. Plus de faux têtes, non, tous ces mecs, j'les bute. J'mets moins de tags dans mes textes, donc je fais que c'est pute. J'arrive à naître quand le rap s'meurt. Plus hip hop que moi tu rêves, on dirait même que mes faces meurent. Plus ou moins de risques à prendre, un peu ce visque. Plus que dans les bacs, y'a plus de disques à vendre. Tu me connais, je me connais, je me connais que ça. C'est Artic, ouais, team, on vient remettre ça. Artic, laisse le faire. Moi qui fais des hits, boy, lèche le presque. Ou fais juste des ah, ah, ah. Tout le monde fait ah, ah, ah. C'est Artic, laisse le faire. Moi qui fais des hits, boy, lèche le presque. Ou fais juste des ah, ah, ah. Tout le monde fait.